Radiomatic. Yeah. C'était sur la musique de la formation Binary Park que s'ouvrait la transmission 477 d'Audiomatic. Le Syndroid Remix que nous avons écouté de la pièce Mute apparaît sur l'album intitulé Singularity, paru en 2014. Et maintenant, c'est au tour du trio américain Fax d'assurer la continuité à Audiomatic. Nous avions droit à Audiomatique, à la formation américaine Fax, qui s'orthographie F-A-C-S et qui est originaire de la ville de Chicago. De son plus récent album Still Life in Decay, paru en avril 2023, nous vous avons présenté la chanson New Flag. Et Audiomatique se poursuit sur la musique de la formation Sylvania.

À Audiomatic, nous venons d'entendre l'artiste Mick Harris, ancien batteur de la formation Napalm Death et également connu pour son projet Scorn notamment. Donc, du projet solo de Mick Harris, nous entendions la pièce Anymore, tirée de l'album Head Knob Session 1, publié en 1999. Avant Mick Harris, c'était le projet Quantum Collapse de l'artiste espagnol Eduardo Francisco Dominguez de la Calle, de l'unique album produit sous Quantum Collapse, paru en 2022 et intitulé Orthogonal Eigenstates, nous entendions la pièce Brogliebound Theory. Et on amorçait la séquence sur la musique du groupe Sylvania, de qui nous écoutions la pièce Palido Finale, composée en 1999 et tirée dans ce cas-ci de la compilation Canción Electronica Volumen Uno, produite par l'étiquette de disque argentine Indis Virgen. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe russe Short Paris. Thank you. said it was easy, but it was so easy to stand alone. The breeze in my hair, the wind in my head, a black fly coming round the bend. Is it a high night for a 24-hour in store? Oh, like a black fly. It's a two-way street. Always talking about, and you're coming up straight. Only two ways, and you're looking down. Guess I'll forget the figure eight. We'll be right back. C'était à Audiomatic le projet Circuit des yeux de l'artiste américaine Hayley Foa de son album Reaching for Indigo sorti en 2017. Nous entendions la chanson Black Fly. Précédemment à Circuit des yeux, il s'agissait du groupe russe Short Paris de son deuxième album Passera qui veut dire Pâques et qui a été lancé en 2017, nous vous avons présenté la chanson Sim, qui veut dire « fils ». C'est sur la musique du projet Love Spell que se conclura cette transmission d'Audiomatic. Du premier album intitulé Symmetric Poetry, paru en 2004, nous allons entendre la pièce « Don't Have a Face ». Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors pour terminer, voici Love Spell et sa pièce « Don't Have a Face ». C'était Audiomatic avec les Sonoristes.